Le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu le 9 courant une lettre de la part des membres de la délégation de l'Union des enseignants coréens au Japon. En voici le résumé. Le lendemain de notre arrivée dans la patrie, nous avons salué le grand événement heureux et remarquable dans l'histoire nationale, réussite parfaite au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14, effectuée sous votre direction personnelle. Nous sommes très émus par la certitude de la victoire finale de la cause révolutionnaire Juche grâce au grand promoteur de Sun Gun. Autrefois, on a été privé de la patrie et obligé de subir les souffrances d'apatrides par faute de la force militaire. C'était le drame de la nation coréenne et la situation lamentable des ressortissants coréens au Japon à la première moitié du XXe siècle. Pendant notre séjour dans la patrie, nous avons regardé de notre propre yeux la réalité exaltante de la patrie, ressenti de nouveau la grandeur sans pareille du respecté maréchal et gardé dans notre cœur la fierté infinie d'être citoyen d'outre-mer de la Corée Juche, conduite par le maréchal. Surtout, la déclaration gouvernementale de notre République rejetant intégralement la résolution de sanctions illégales de l'ONU et le peuple qui la soutient comme un seul homme avec la confiance en la victoire nous persuade que personne ne peut empêcher le progrès de notre patrie où tous les militaires et civils avancent pour l'indépendance, le Sun Gun et le socialisme tout en s'unissant étroitement autour du respecté maréchal. Pour terminer, les membres de la délégation ont souhaité santé au dirigeant suprême Kim Jong-un, destin de la patrie et de la nation, étendard de la victoire et père affectueux des permanents de l'Association générale des Coréens au Japon et des autres compatriotes.